Ma grande vie, une saveur carré de bonjour. Tu m'étonnes, j'ai mis mes doigts, y'a que des rajouts. Y'en a tellement qui veulent se mettre entre nous. Tu sais bien, c'est ce qui nourrit les jaloux. Comment ça, tu parles mal de W? Laisse-les mal, moi-même, je suis un tout bourré. Viens ici, je te présente ta amigo. Je vais percer d'après mon marabout. Quand elle rentre dans le club, ça sent l'embrouille. Elle attire tous les dalles, les sandwichs. Matusalem, tu repasses sans oseille. T'es bien sapé de la tête à l'orteil. Papa n'est pas là, donc c'est le boxon. Maman fidèle, elle se pose des questions. Si vous votre gars, tu perds la raison. Attends, là-bas, ce serait pas ton rêve, toi. Prends ton sac, prends la fuite, ça sent pas bon. Pose ta clope en même temps que la boisson. T'as fait tourner la tête de ce garçon. Et un poteau garde la pêche et ton bifton. J'ai coupé détaillé, t'as douté, j'm'en balais. T'es dit pour cavaler, mon équipe a ravalé. Sans jamais à tailler, 9-4 on va les driver. J'roule la star pour m'évader. Passe le wash, passe le wash, j'ai dit passe le wash. Passe le bébé, passe le wash, passe le wash, j'ai dit passe le wash. Passe le bébé. Ami, la donne est bien aigueuse. J'veux que le son tourne dans les caisses. Avant de remplir mon cerveau, commence par remplir ton liquide. Mais ne le dis pas frérot, genre cette par semaine. Mais le C, on se rejoint, où je crois bien ce soir, j'ai pas sommeil. Wesh DJ Hamida, que les jaloux gardent la pêche. Kenny wa randigné, laissez place à fraîche. Elle veut pas de mon cœur, elle veut mon flouze. Elle aime pas les flashs, elle veut de la grégouze. Beaucoup, oui beaucoup. Trop de vis jusqu'au cou. T'as la trentaine, tu veux te marier. Tu voulais la vie dont tu rêvais. Porsche Cayenne, deviens Clio. Prince charmant, deviens crapaud. Carrera Porsche Cayenne, fais péter le Matusalem. V'là les euros dans la poche et t'es Hollywood pour la laine. Ouais, ce soir tu seras ma reine. T'es accompagné du king. N'abuse pas trop sur la tease. Girl, enjaille-moi sur la piste. Khalini, khalini, khalini. Yeah, with the NMA.